mettre une main d'eau à la terre pour y plonger un temps noircé. Nous les graver en ciel éternité en mélodie pour nous songer. Que c'est en forme créole qui façonnait l'existence, nous l'air après l'air, jour après jour. Cassé en forme créole qui enfantait Timon va et nous vivait puis nous montrer moi ça qui l'amour est. C'est pour nous jouer vendou l'air en frontière, nous trouver en tendresse pour apaiser. Essentiel pour faire nous apaiser.